Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lauriers. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. En manchette ce soir, des nouvelles inusitées, des nouvelles internationales et la bonne nouvelle 70%. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. Ce soir à 70%, vos chroniqueurs sont Mathieu Boudreau, Mustapha Chamli, Jonathan Simon, Damien Blas Bouchard et Alex Larocque. Ah, on est à 70% comme à chaque lundi, on est en train de le vivre. Cette semaine, moi, il s'est passé quelque chose de spécial. Je veux commencer en parlant de ça parce que moi, j'ai un acouphène dans l'oreille gauche ici et c'est dans les 60 décibels, il paraît, et je l'ai pas facile. Et je veux souhaiter à tout le monde qui vive en permanence avec comme un coloc dans l'oreille, et ça, il y a plusieurs personnes qui ont ça, hein. C'est assez fréquent. Et il faut pas perdre courage. Et un jour, on va trouver un génie dans une lampe qui va nous permettre de revivre toutes ces années-là en arrêtant de dire « hein » à toutes les fois que quelqu'un te parle. Ouais, il faut le vivre. Non, je voulais juste en parler, essayer de vider le pu. C'est pas facile, c'est en ça. Toi, Antoine Graton? Mesdames, messieurs! Oh, ouais. Oui! Ben oui! On commence 70%, on parle des vraies affaires. Il y a mon collègue Bruno Corbin qui s'en vient. Tu vois une chaise vide, tu crées okay, pas trop d'anxiété. Je pensais que c'était ami imaginaire. Ouais, c'est ça! T'allais me le présenter de même. Là. On allait y coller un drink. Non, d'habitude, c'est notre lecteur de nouvelles, Bruno, qui est de retour ce soir. Toi, Antoine Graton, oui. T'es musicien québécois. Je suis musicien et je suis québécois. C'est donc, comme... par la force des choses. On fait des associations ici. Pourquoi? Colin, hein? Ouais. Ah, tu commences. Non, moi, je vais dans le fin fond. Ah, non, si ton père qui a dit tu seras jamais musicien, t'as dit check ben. Oh, oui. Ma mère a dit tu seras jamais québécois. J'ai dit check ben. C'est qui a le dessus? Ah, non, je les ai eu tous les deux, man. Puis toi, t'as comme commencé parce que la semaine passée, on a eu Pascal Germain Bérardi, des petits chanteurs du Mont-Royal. Ah! Oui. Fait que tu le connais, genre, de l'époque de jadis, là. Je connais le petit chanteur, mais Pascal, je... Ça te dit rien? Vous êtes comme de deux graduations différentes. Ouais, c'est ça, Explique-moi comment ça se passe au petit chanteur du Mont-Royal. Ben, dans mon temps, parce que ça fait quand même un sérieux bout, là. Ben, arrête donc, t'as quoi, là, 28? Non, moi, j'ai 36 belles années. Oh, tabarnak! Moi, j'ai 38, mais t'as gagné. Mais vas-y, continue. Ben, sur les petits chanteurs du Mont-Royal. C'est une école vraiment. Qu'est-ce que je dirais? Ben, t'attendais pas à parler de ça. Hein? Non, tu pensais qu'on était pour aller jusqu'à l'étoile, mais pas avant. Non, c'est cool. C'est okay. Cool, c'est bon. Non, parce que c'est un tout. Hein? Oui. Tout Antoine Graton vient de toutes sortes d'affaires. Tout est dans tout. Là, ben oui, ben oui. C'est là que j'ai appris la musique. Tu sais, je suis arrivé là quand j'étais vraiment. J'avais quoi, 7 ans, 8 ans, puis les cours de piano, les cours de chant. C'est toi qui as demandé ça? C'est toi qui as demandé ça à tes parents, je vais aller faire ça. Non, c'est. Comment il faisait ça dans le temps? Il envoyait des lettres à toutes les écoles, puis il disait envoyez-nous vos élèves qui sont qui ont des aptitudes musicales que vous pensez qui vont peut-être. Puis là, tu passais des auditions, puis là, ils sélectionnaient comme 20 kids là, parmi 500 kids. Ah, ok, ok. Ouais, c'était une affaire. Je pensais, moi, c'était un camp de jour du dimanche pour que les parents aient la paix, mais toi, tu me dis, il y a un processus. Non, c'était une grosse. C'était comme avant la voix, là, c'était ça. C'était les petits chanteurs du Mont-Royal. C'était ça le concours. Et voilà. C'est ça. C'était mais pour 20, aller à l'école. Fait que là, dans le fond, toi, tu dis merci à ton prof de musique que tu avais en troisième année, quelque chose de même. C'est ça. Et exactement. Mais si elle a eu l'œil, hein? Pas pire. L'oreille c'est... plus que l'œil. Ouais, je... Oh! je suis d'accord avec ça. Toi, Antoine, t'écris tes textes, tu fais ta musique. T'es polydisciplinaire, genre. Je suis poli, ouais. Des fois. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que t'as un mot préféré en français? Ah! Pas pire, hein? Colin, ça, c'est de la question. Ouais, ouais. Toi, hey, j'aime bien ça. Ouais, parce que moi, c'est sûr que mon mot préféré, c'est stratégie. Moi, j'adore ça. Oh, une stratégie, ça te sort de tout, là. Mettons, puis en plus, c'est plusieurs syllabes. Ouais. Puis toi? Moi, j'aime bien les mots qui sonnent bien, mais qui veulent pas dire grand-chose, là. OK, c'est comme concubissant. J'allais dire berlingot. Ah, fort, très fort. Quand même. Très fort. Consonance aussi ben, des vieux pays, un petit peu. C'est pas le genre d'affaire que tu mets d'une toune, pareil, mais ça, ben, au Québec, ça fait elfique pas mal d'appeler quelque chose de même. Hein? Berlingot? Ouais, berlingot, c'est sûr que c'est un elfe. Il doit y avoir un... Sa vie dans un garde-robe, ça, c'est sûr et certain. Nous sommes réunis au baptême du jeune berlingot Gautier. Sinon, en français, on a le mot « plus » aussi, qui est assez particulier. Parce que mettons que t'es comme un idéalement un anglophone qui pogne le thrill d'apprendre le français. Yeah. Et puis là, il se rend compte que le mot plus, P-L-U-S, je n'en veux plus. Ah, tu sais, c'est ça fou, peut hein, vouloir. Ça. C'est fou, là. C'est pas ben facile, oui. Le français. Si tu te retrouves à écrire plus dans des courriels, tout, il faut que tu mettes un petit plus entre parenthèses pour vouloir dire que c'est plus, c'est pas c'est... plus. Puis là, Ouais. C'est ça, c'est une twist du français. Mais toi, tu souffles là-dessus. Du français à mal. Ah, j'arrête pas de le dire à chaque semaine. Ben oui. On fait un show là-dessus, nous autres. Puis sinon, t'es un joueur de Magic, sûrement. Non. T'as jamais touché à ça. Puis tu sais de quoi je parle, par contre. Ouais, je sais de quoi tu parles, mais moi, je suis clean, là. C'est bon. J'étais pour dire que tu serais corruptible. Genre, mais t'as utilisé le bon lexique, mon tabarnalaire. Hein? Fait que, ben, je pense là-dessus, gars, à partir de maintenant, c'est ta première fois à 70%. Oui. On est la voix de douteux.org. On est des archiveurs. On aime beaucoup le passé. Et on se dit que le questionnement dans la consommation culturelle, c'est quelque chose qui manque. Et que la nouveauté, c'est un argument très fallacieux par rapport à la qualité de quelque chose. C'est pour ça qu'on présente souvent des films ça, du passé. Non, toi, t'es encore loin de là. Hein. On a eu Pierre Huet il y a une couple de semaines. Eh! Ouais, ouais, ça a été capoté, ça. Non, il va revenir le 23 nous faire un dessin au Etch à Sketch. Ça arrive pas n'importe où. Il doit torcher au Etch à Sketch, lui, c'est ça. Là, c'est sûr c'est débile comme c'est un skills. Il me dit. Tous les textes de Beau Dommage, il les a écrits sans lever le crayon. Hey, imagine, hein. C'est vieux capoté. Mais non, en fait, toi, t'es ici parce que tu vas nous jouer des tunes tantôt, puis ouais. Que t'es monstrueusement sympathique. Ça doit pas tout le temps être facile, ça. C'est boy. Ben là, t'as comme une vie de couple, genre, là. T'es papa pis tout. Moi, je suis papa pis tout. Ben ouais. Fait que là. Ben ça aide beaucoup à la sympathie. Sympathie. Hein, j'allais inventer un mot. Sympathisationnalisation. C'est ça. Okay. Non, ça rend zen pas mal, je te dirais. J'étais plus un trou de cul avant d'avoir un enfant. Puis ah ouais? Ça a comme ça a smoothé pas mal mon affaire. Ça veut dire plus de lancement dans le métro ou rien, là. Tu vas comme aller dans une soirée dansante plutôt. Non, moi c'est le lancement dans les garderies, là, tout ça. Là. Moi je suis rendu. Ah ouais, la carrière recommence, je comprends. Ah, that's it, man. C'est l'avenir, man. C'est l'avenir. Puis là, il y a comme Annie Brocoli, toi, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être Antoine Papy, quelque chose, c'est non? Pas, faut que ce soit un légume comme nom de famille question, ou c'est... Ouais, non. On va revenir là-dessus. C'est bon. Ouais, ton nom de chanteur pour enfants, j'aime ça. Il y a comme un volet. Oui. Et voilà. Antoine Creton. Ah ouais. Il y a comme un volet peinture. Oui, c'est Caroline, notre graphiste, à mettre des couleurs, genre. Ben c'est cool, pour un podcast. Ouais, ça, c'est pas payé. Mais on est sur le net aussi avec le visuel. Allô? Il est où, le net avec le visuel? C'est okay, il est là. Ouais. Je me disais, vous êtes flyé avec l'audio. Puis aussi, on fait un encan. J'ai déjà eu un mime, moi, mon show de radio. On a déjà joué à Ouija aussi. Attends, vous avez un mime à un show de radio? Il parlait pas? Ben, il mimait, là. Fait que là, on riait, puis là, on entendait des mouvements, puis on riait. Ah, on a tout essayé, hein. Le mime, ça a été pas mal drôle. On a un danseur radiophonique aussi, sûrement le seul danseur radiophonique de tous les temps. Il va arriver tantôt, il va pouvoir se déhancher. Et là-dessus, en fait, Antoine, à partir de maintenant, t'es le bienvenu, tu restes avec nous dans l'émission. Avec il y a des plaisir. Chroniqueurs de différents degrés de qualité qui vont passer. Et, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 10 ans. OK, ici? Ouais, ici. Ben, moi, j'ai habité à côté d'ici, man. Puis j'étais pas au courant. Je savais même pas que ça se passait, sérieux. Ben, là. J'arrête pas de lui dire que la grosse porte, c'est une des choses qui nous aide le plus à avoir des nouvelles personnes. Je me demandais tout le temps qu'est-ce qui se passait en arrière de la grosse porte. Non, mais cela dit, on remercie le brouhaha. Ça fait quand même 10 ans qu'on est ici. C'est malade, ici. Moi, je me suis replongé dans les affaires que je commandais. La salade de canard, le kit. Ouais, ils ont le kit. La nostalgie se faisait aller. Tout. Nostalgie du brouhaha. Quand même. T'es venu vivre ça avec nous autres. Ah oui. Mon taquin, toi, t'es trop. D'ailleurs, je peux profiter du micro pour me commander une autre pinte? Oui, on aurait besoin d'une autre pinte pour notre invité. Ça se fait très bien. Là-dessus, ben, let's go, Nick. On commence le show. Fleur du diable. Salut. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Oui, il faut me laisser le temps d'ouvrir mon Bruno, bonsoir. Content de te revoir. C'est très plaisant de te revoir. Vous allez me donner une petite main d'applaudissement pour Bruno, notre éditorialiste en chef. Il est de retour. On est très content de te revoir. Je t'assurais qu'ils ont bien padé pendant ton absence. Je saurais pas. De toute façon, j'écoute pas le show. Non, je sais exactement ce que tu vis. Alors, mais on est plusieurs, fait qu'on fait confiance à d'autres pour ce dossier-là. T'as rencontré mon bon chum, Antoine Gratton? Non, mais maintenant, oui. Bonsoir. Et voilà, c'est fait. Bruno, c'est notre lecteur de nouvelles. OK. Ouais, lui, c'est pas des choses inventées. Vas-y, Bruno. Oui. quelques mois après la poursuite en justice contre Starbucks, affirmant que la chaîne ne mettait pas assez de latte dans ses lattés, la compagnie fait face à une nouvelle poursuite, celle-ci, à propos de ses breuvages froids. En effet, un buveur de café visiblement pas content poursuit le géant du drink trop cher parce qu'il affirme que la quantité de glace inclus dans les breuvages font que les 10 breuvages contiennent environ la moitié du liquide annoncé sur les affiches. Quoi qu'il ait techniquement raison, puisque la glace est effectivement l'eau à l'état solide qui deviendrait liquide que lorsque le point de congélation sera dépassé, le point de congélation qui se situe normalement... Tu es en train de m'expliquer comment faire de la glace. À 0 degré Celsius, okay. Oui, dépendamment de l'élévation. J'ai envie de le taper, moi aussi. L'homme tente d'obtenir 5 millions de dollars en dommages et intérêts. Dommages psychologiques. Oui. Oui. En guise de réponse, un représentant de Starbucks a affirmé « Nos clients comprennent et s'attendent à ce que la glace soit un élément essentiel de nos breuvages glacés. » Oh, calice. La compagnie ajoute qu'ils sont prêts à refaire ces drinks jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. À 5$ le drink, il n'y a rien qu'à les faire 1 million de fois. Puis la vengeance est à lui. Après qu'il se soit fait arrêter par la police pour conduite en état d'ébriété, Josué Moncada d'Ocala en Floride a visiblement appelé sa sœur pour lui annoncer l'incident. Quelques minutes plus tard, elle s'est aussi présentée sur la scène en voiture afin de s'obstiner avec le policier. Toujours une bonne idée. Lorsque le policier a senti une forte odeur d'alcool dans son haleine, il a décidé de l'arrêter aussi pour conduite en état d'ébriété. C'est comme ça chez nous aussi, hein, la famille. Ouais, ben oui. La même. Arc. Oh, calice, man. Là, ils ont appelé leur père. C'est comme la grenade légère dans Papa et Maman sauve le monde, là. Il est écrit dessus, ne me ramasse. Non, ramassez-moi. Puis là, quand t'as ramassé, puis tu meurs. Puis là, ben, tout le monde y ramasse, puis c'est parce que c'est des cartes. C'est une affaire de Magic, là, ou... Il joue pas à Magic. Quand il a utilisé le lexique approprié aussi pour me faire comprendre que ça arrivera pas. Let's go next! Oui, un homme de Montverde en Floride, a décidé d'aller dans un lac afin de ramasser un alligator qu'il croyait mort quand le prévisible est arrivé. L'homme de 22 ans s'est rapidement fait mordre la main par l'alligator, lui causant une fracture. Il a été transporté à l'hôpital général d'Orlando, où l'on ne craint pas pour sa vie. Non, non. deux nouvelles de Floride d'affilée. Hein. Oui, oui, ben oui, on aime ça. C'est comme le meilleur des États pour ça, je pense. La Floride, la Caroline du Nord, je dirais en deuxième position. Bon deuxième. Let's go, next! Oui, alors un petit blitz. Chine, des nouveaux règlements en Chine obligent tous les sites de diffusion en direct à être modérés en continu afin d'éviter que des pratiques non permises soient proliférées par la technologie. L'une de ces pratiques interdites, il sera maintenant impossible de diffuser des images de filles mangeant une banane de façon érotique. On a des gens qui sont déçus dans la salle. Fait qu'on va être obligé de manger des zucchinis de façon érotique. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Les porte-jartelles sont également interdits pour les animateurs d'émissions. Ah, il va te changer tout de suite, man. Yeah, c'est débile, ça. Enlève-moi ça tout de suite. Mais ce livre-là de règles, ils peuvent pas le mettre bien loin. Là, ça va resservir bientôt. Là. Oui, oui. Ben, vraiment, ils vont remettre des nouvelles règles dedans, en général. Ils aiment ça. Ben oui. Ils en enlèvent pas beaucoup, ils en rajoutent plus. Oui, c'est calvaire. Hein? Et toujours en Chine, un conducteur manchot a été arrêté après un accident avec une autre voiture. L'homme qui n'a pas de main ou d'avant-bras droit est entré en collision avec une autre voiture alors qu'il était en train d'utiliser sa main gauche pour tenir son téléphone. Pour ceux qui gardent le compte, ça fait zéro main sur le volant. Sur le volant, oui. Et il conduit manuel aussi. Qui plus est, il s'avère que l'homme ne possédait pas de permis de conduire au moment de l'incident. L'homme a défendu ses capacités en tant que conducteur, ajoutant « Si je n'avais pas fait cet accident, vous ne m'auriez jamais attrapé. On va lui donner celle-là quand même. » C'est comme genre tautologique. Là, ouais, voilà. Asti, bravo. Merci Bruno. C'est apprécié. Ouais. On va te revoir au plus loin dans l'émission. Effectivement. Toi, Antoine Graton, est-ce que t'es politisé? Genre, c'est-tu un dossier qui t'intéresse? Je suis bien poli. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est un dossier qui t'intéresse? Pas en tout. Hein? Zéro. Ouais, mais toi, en plus, c'est comme pan-canadien. Il y a du monde qui te connaissent dans les autres pays. Oui. Moi, j'ai comme pas le droit d'être politisé. Ouais, je comprends. C'est bon, on n'en parlera pas trop. Non, sérieux, moi, c'est plus les affaires, l'amour, les affaires vraies, là, la politique. Ça, t'es bien contre ça, l'amour. Ouais, non, je peux chialer en masse. Ouais, c'est ça. Politique, ouais, c'est... Écoute, merci beaucoup. Ben, yeah. Hey, Nick, on passe au prochain. Calme-toi, j'ai encore rien enlevé. Tu transpires aujourd'hui quelque chose, Mathieu? Ouais, ben c'est... Oh, Chris, une carte 5 étoiles, ben Chris. C'est ton jeu de Star Wars ouais, la semaine passée. Ouais, c'est encore mon jeu de Star Wars. Ben, je vais faire 9 chroniques dessus, c'est sûr. L'importance du jeu c'est de bon, Star Wars. C'est bon, ce jeu-là. Ouais, qu'est-ce que t'allais me demander? Ben, je trouve que tu transpires quelque chose aujourd'hui. Ouais. Ben, t'as-tu lu le papier de Denise Bombardier sur Dieudonné cette semaine? Non, je sais. Hein, c'est ce qu'on se dit tous. Hein, l'existence des extraterrestres est plus plausible qu'un oui à cette question. Hein? Qui lirait Denise Bombardier? Non, mais c'est du poison, hein? Va-t-on consciemment absorber du poison, hein? C'est... C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait souffler des choses? Bon, la dope Monsanto, hein? Qu'est-ce que ça a rapport dans cette histoire-là? Je sais pas. Je te le demande bien. Va chier, Damien. regarde, c'est tout le temps la même histoire. De toute façon, avec Monsanto, là, toi, t'es en train de faire ton shit tranquille, là, puis eux autres, ils arrivent avec leurs avocats. Là. Ouais. T'as pas le droit de planter ça. Ça, c'est mon champ. M'a t'enculé pendant que je tranche la tête de ta femme. Chris, c'est le Moyen-Âge, Tommy. Denise, Denise, elle niaise pas avec le POC hein, quand il s'agit de la haine. Oh non, hein. Elle tue Dieudonné, Tommy. Mais attention avec les mots, quand même. Ah, ouais. Voilà. Ça fait moins mal plus longtemps. Ben, ouais, c'est ça. Hein? Les paroles s'envolent, mais elle dit « Pourfendeur des Juifs, haine raciale remise en cause de l'Holocauste, fils spirituel d'Adolf Hitler. » C'est les deux premiers paragraphes. Elle a besoin de personne pour se rendre au point Godwin. Le point Godwin du point Godwin, ouais, Tommy. Ouais. Elle est allée là. Meta Godwin. Ouais, Meta Godwin. On a inventé le point Hitler, nous autres, cette semaine. C'est quand quelqu'un te fait remarquer que c'est un point Godwin. Dès que, t'sais, parce qu'à cette heure, on peut plus parler de nazis sans que quelqu'un dise c'est un point Godwin, mais ça, c'est un point Hitler. Ouais. Ah, yo, j'ai le goût de me partir une nouvelle collection. Ouais. Je suis rendu loin, moi, j'ai 2700 claques à la gueule. Hein. On collectionne ce qu'on peut. Bon, non, mais elle le décapite, hein. Elle le décapite complètement, puisque selon elle, il est un allié objectif de Daesh et de Boko Haram, hein. Fait qu'elle fait pas mal comme l'ennemi. Bon, et là, elle s'arrête pas là, elle dégaine de nouveau et elle crache son venin sur toutes les fans de l'abominable personnage. Hein. Et là, elle dit, et là, je la cite, « À part son public composé à 90% de jeunes maghrébins antisémites auxquels s'agglutinent des fondes de toutes les extrêmes, aucun être humain digne de ce nom ne peut être attiré par Dieu donné. » Hey, attends, ben moi, c'est là que je me suis mis à pleurer. Mais c'est parce qu'elle a l'air de bien le connaître, elle aussi. Elle devrait rajouter des maghrébins puis une vieille chialeuse de l'autre bord de la... Ouais, ben c'est ça. Moi, je me suis mis à pleurer là, Tom, parce que, tu sais, je me disais, sa phrase est tellement raciste, tu sais, mais tellement bien écrite, là. Belle syntaxe, aucune faute d'orthographe. Je trouve que j'étais là, tabarnak, que ça fait du bien, il y a stylé, quelque chose de bien écrit, clair. Pour une petite fois. Quel dommage hein, que Denise Bombardier soit du côté obscur de la force. Et puis là, c'est pas fini. Elle y va d'une mise en garde, là, et ou conseil, et ou prédiction, là, hein, c'est selon... Hey, la sorcière, qu'on la brûle! Fait qu'elle y va d'une prédiction, là, je sais pas trop, elle dit « Ceux qui sont prêts à payer pour l'entendre augmenteront la liste des déstabilisateurs sociaux qui sévissent parmi nous. » Fait qu'on devient des Hitler par association. Ben, des nazis, mettons. Ouais, c'est ça. Et le reste de la phrase dit « Et que les services de sécurité pourront photographier et ficher en toute liberté dans la salle où l'artiste se déploiera. » Bon, je le sais que ça ressemble à des techniques de Gestapo, mais on se calme, OK? Calme-toi, on est en l'an vulgaire 2016, hein? Ça veut dire 1984 selon Orwell, l'an 15 post-9-11 selon les gouvernements mondiaux, 71 ans après la Deuxième Guerre mondiale, selon les opprimés. Hein? On se protège comme on peut. Je suis le BS, j'ai pas d'avocat, ta gueule. Bon. Puis on est... Puis on est 39 ans après Star Wars. C'est normal d'être mêlé là, dans nos manières de faire de la propagande. Hein? Parce que c'est ça! Oui! C'est ça, hein? Un ensemble d'actions et de moyens psychologiques mis en œuvre pour propager et faire prévaloir une doctrine, une idée, une opinion et susciter une décision. Non! Non! J'irai pas voir Dieu donné. Merci, Denise! M'a faire comme tu me l'as dit. M'a vivre dans la peur, m'a dénoncer mon voisin qui a des biais, puis m'a haïr tous ceux qui pensent pas comme moi. Parce que qui suis-je, moi, jeune Padawan, pour critiquer l'Empire? Sur le point de tuer Mace Windu. Il a droppé le mic sur une référence au prequel. En retournant dans son jeu de Star Wars, et voilà, c'est bouclé. T'es-tu un négationniste, toi, Antoine Gratton? Ben, par négationniste, il veut dire est-ce que tu penses que les prequels existent? C'est ouais. Ça. Ah, on parle okay, pas de nazis, là, puis de locos, là. Oh mon Dieu. Puis on parle de midi-chloriens, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Non. On parle de. Non, les midi-chloriens, c'est wrong, là. Ouais, ça embarque pas. La force, c'est la force, là. J'aime ça. Tu peux pas te déjecter dans quelqu'un, genre. Ça existe pas, là. Les midi-chloriens, c'est comme une maladie vénérienne, tout d'un coup, là. C'est comme. Mais les votre compte de midi-chloriens. J'aime bien ta position. Over 9000. Over 9000 midi-chloriens, Colis. Non, ils l'ont scrappé, ça. Toi, Bruno, t'étais-tu un négationniste? Oui, moi, je suis totalement un négationniste. Ben, moi, j'ai vu le dernier. On a parlé l'autre fois du dernier Star Wars. J'ai bien aimé le dernier, quand même. T'as l'air influençable là-dessus, là. Ben, je l'ai aimé la première fois quand il s'appelait épisode 4, là, mais... OK, ouais. Anyway, on en a parlé, c'est réglé. On a fait la paix avec ça. D'accord. On passe au prochain. مش مطول غدا يوما افضل مبسوط ما بين شي مخبى الشمس بيقر شي مالي عازي مش مطول غدا يوما افضل يوما افضل يوما افضل يوما افضل اي سي نوت موسى explose l'autre, petite gang de racistes. Salam alaikum Québec. Alaikum salam. J'ai converti lentement. C'est bon. Une étape à la fois. En deux ans, on a fait 7 étapes là. Ben, c'est parce qu'il faut que je la recommence quasiment toutes les fois. Ça qui est la prochaine, poche. Faut pas qu'on se nettoie les pieds tout le temps. Là. Ça aiderait un peu. Je te sens juste les pieds. À bon entendeur. Ben, salut. Si tout le monde veut commencer à prier, il faut se laver les pieds correctement. Et voilà. C'est une tradition pour eux autres. Eux autres. J'avoue, hein? pour ceux qui aiment ça, là! Moustapha, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Hey, cette fin de semaine, j'ai regardé un film qui s'appelle... Womb? Comme dans le ventre. OK, Womb. Ouais. C'est un film où est-ce que Eva Green clone Matt Smith pour baiser avec. C'est vraiment weird. La raison... Je mentionne ça de même. Là, ben en fait, Matt Smith a joué le docteur dans Doctor Who, puis cette fois-ci, ce que je fais, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Je vous amène dans un univers parallèle. Ouh, comme c'est pour Doctor ça que j'ai mes lunettes comme ça. Là, ouais, de voyage spatio-temporel. C'est ça, spatio. Je suis allé dans un autre univers où est-ce que... J'aurais besoin d'un peu d'écho, en fait, dans notre micro. Non? Ça fait de l'espace, encore. C'est normal. En tout cas, c'est un autre univers où est-ce que... L'Empire Ottoman s'est pas écroulé. L'Europe s'est écroulée, en fait. C'est les Arabes qui ont découvert... Trop tard! Non, il est pas là. C'est les Arabes qui découvrent l'Amérique. Oh! Ouais. Ben, en fait, c'est pas l'Amérique, évidemment. Parce que ça change de nom rendu là. Là. Ouais, c'est... Fait que dans cet univers-là, c'est un dude qui s'appelle Haroun ibn Salim ibn Issa. C'est des noms différents. Qui pose les pieds à Gaspé. Après la première échange avec les Premières Nations, il déclare « Assalam alaikum Québec ». Fait qu'historiquement parlant, j'ai fucking raison rendu là. Alaikum salam. Ils ont fini par répondre ça éventuellement. Ouais. Mais il n'y a pas eu de conversion forcée. Même qu'au lieu que 90% de la population autochtone meure, c'est juste 10% parce que les Arabes avaient des médecins qui fonctionnaient, qui savaient de quoi ils parlaient. Ça fait différent. Ah oui, c'est vrai. OK, j'avais mentionné qu'il n'y avait pas de conversion forcée dans ce qui s'appelle maintenant Jannat Arabiya, le paradis arabe. Ça, c'est comme toutes les Amériques qui s'appellent ça? Ben, les Amériques qui ont découvert, là, essentiellement. Okay. Progressivement, il y en avait plus, c'est ça. Là. Mais, évidemment, il y a l'Ouest qui est tout le temps un peu plus farouche, je sais pas pourquoi. Là. Puis, tu avais les barbus qui allaient chercher. Ils forçaient le monde à se voiler. Ils sont même allés jusqu'en Europe pour ramener des Blancs comme esclaves. C'est un univers parallèle, OK? Là? On se calme. Oui, on tue. OK. Fait que, les Européens étaient forcés de travailler pour vivre, puis ils étaient obligés de changer de nom et de religion. Ou risquer de se faire pendre. Fait que là, on commence à revenir un peu dans notre univers. Il y a des similitudes. Le racisme existe pareil. C'est drôle. Mais tous on les dogmes sont pas des bonnes idées à long terme. Il y a des affaires qui se progressent et progressivement fuck up, essentiellement. Puis, ah oui, c'est vrai, ils se font traiter de pédés. Pédants, excusez-moi. Pédants. Pas pédés. Pédants. Ça ressemble beaucoup. C'est facile à se tromper. Ça vient du pedenhos, qui est espagnol, qui veut dire poil pubien. OK. Fait que le terme raciste pour les Blancs dans cet univers-là, c'est pedenos, ben pedans, qui c'est veut dire poil pubien. Ouais. OK, Ça fait mal. Ça fait ça. Ah oui. Ouais. T'imagines te faire traiter de poil pubien complètement à te faire traiter de blanc. Ça doit faire ça. Oh, écoute-moi. Il y a eu, évidemment, il y a eu le mouvement des droits civils qui est apparu pour les Blancs, évidemment. Quand le grand calife, il était sunni, Ibrahim Lahan Cohen, a déclaré que toute personne qui est née égale, puis ça a duré pendant plusieurs décennies après ça, là, ça a continué. Fait que, on skip les guerres civiles, genre de trucs-là. On rentre en 1370, man, ça shake un peu trop ça. On est-tu encore des esclaves, les poils pubiens? Ben, à partir du moment qu'il a déclaré que tout le monde est né égal, évidemment, c'était le... Eux autres, ils l'ont appliqué dès qu'ils l'ont dit, à la place de dire, mais pas eux autres, parce qu'ils naissent bronzés. Genre. Non, ben, ils naissent pas bronzés. Ouais, ben, c'est ça, ils ont pas de teint, ils sont mis devant un mur blanc, il y a rien qui paraît. On va leur donner des droits égaux. Ça a déclenché une guerre civile, ça a continué. Là, on se retrouve en 1370, 1380, parce que c'est comme un autre calendrier, évidemment. Parce que c'est Amr Sabr Malik qui livre son fameux discours où il prononce les mots « J'ai eu un rêve ». Évidemment, il a été assassiné pendant ce discours-là. On suspecte les disciples de Hassan et Sabah dans le coup, les disciples étant évidemment les assassins. C'est aussi dans ces années-là, parce que c'était une décennie relativement chargée, où est-ce qu'on a vu l'arrivée des ours polaires qui cherchaient à défendre les ghettos blancs contre les pressions systématiques des gardes du sultan. Ça allait être cool. Ouais. Il y avait aussi la montée de la nation d'Adin, qui avait Mohamed X dans ses rangs. Mohamed X. Ouais. Mohamed X, qui était évidemment un homme blanc, qui a opté de rejeter son nom de famille d'esclave. Et adopter le X en manifestation. Radicalement pour les droits des poils pubiens. Là. Exact. Les Blancs se réapproprient c'est les termes pendejos et pedants, en passant. Toute personne non blanche est mal vue d'utiliser ces termes. Ils se le réapproprient. Comme toi, là, tu peux pas. C'est le P-word, c'est our word. Ouais, c'est votre mot. C'est notre mot, OK, ouais. C'est bon. Je vais juste vous donner des faits. Je vous relis des faits d'un autre univers. Ouais, c'est ça. OK. Là, on avance évidemment avec le temps. Khalid Abdullah ibn Anas, qui était le calife à l'époque, a demandé « Ne demandez pas ce que votre califat peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre califat. » On applaudit. Bon, on peut l'applaudir. Bon. Oh, on applaudit. C'est une phrase qui nous a amené jusqu'à la lune arabe. Exact. La lune a été découverte par les Arabes. Elle était splittée en deux. C'était bizarre. Elle était juste un croissant tout le long après. Durant la, on avance encore dans le temps, la 50e cérémonie des Ottomans, le film Star Harib et Bol Film, Le Messie, pour le prix de la meilleure trame sonore. 12 years de poil pubien, gagne le film de l'année. C'est bien plus tard, ça c'est pendant les 76e. en 1410, tu as Chocolate Talj qui est poursuivi en justice par Malacca pour avoir fait usage illégal de leur chanson Under Pressure pour son hit Talj Talj Baby. Talj Talj Baby. Son autre hit, le Assassin Rap, était un gros succès après être paru dans Teenage Mutant Assassin Turtles 2. C'est aussi malheureusement dans ces années-là que Karim Kabian a été retrouvé mort par shotgun dans son appartement. On suspecte un suicide, mais des fans blâment sa femme, Khalifa Hub. Ouais. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Il y a quelqu'un qui est mort. Chris. Dans un univers parallèle. Ouais. Le 23 Jumada al-Thani, 1422. Ça, c'est une date à se souvenir parce qu'elle est restée toujours dans la mémoire collective des États-Unis d'Arabie. Quand deux avions percutent les immeubles de Souk Tajr al-Dunya, le groupe terroriste La Base et leur chef charismatique Oscar Dussouple revendiquent les attaques. Ils revendiquent les attaques dans les cavernes des déserts sibériens. Des attaques sont ensuite effectuées en Allemagne et le dictateur Joachim Gauck est arrêté pour des crimes de guerre. C'est sûr. Ouais, il est pendu par la suite. Le 6 Tau al-Qida, 1429, les États-Unis d'Arabie élisent Benjamin Kennedy, qui est le premier calife blanc. Le premier calife. OK, il l'accuse d'être né dans le pays européen de l'Angleterre et aussi du Liban. Ouais. Tandis qu'il n'y a aucun papier qui dit ça. Là. C'est ça. Là, c'était le poil tout, pubien. Tout montrait qu'il aime quoi qui était né, effectivement, aux États-Unis d'Arabie, mais bon. Moumout Alatrum, là, qui disait ça. Genre. J'aurais dû penser à un nom pour lui. le 12 Muharram 1432, un jeune Français s'immole en manifestation contre son gouvernement dictatorial et devient symbole déclencheur du printemps gaulois. Le mouvement, qui a duré presque 2 ans, a permis la chute de plusieurs dictatures dans la grande région de l'Europe. Du moins, toutes, sauf un petit village peuplé d'un irréductible dictateur gaulois nommé Abrakoursix. Oui. J'ai l'impression que tu te mélanges dans tes diégèses, là, mais non, je t'assure. C'est là. Tout est vérifiable. Tout est vérifiable. C'est bon. La résistance du gouvernement abrakoursicien en Armorique laisse place à la naissance du groupe terroriste Daesh. Deutsche Europäische Christen in der Hinterland. Je sais pas comment le dire, là. C'est tellement, là. L'escalation de conflit fait qu'en 1436, il y a une véritable crise de migrants en Arabie, avec plusieurs personnes déplacées et leurs maisons forcées d'appliquer pour l'asile dans les pays arabes, menant à la formation raciste d'Outasana, donc les Arabes patriotiques contre la christianisation de l'Arabie. Ouais, il y en a qui apparaissent même au Québec, c'est fucking raciste. C'est dégueu. En 1437, qui est maintenant essentiellement, on a pu voir la mort de plusieurs célébrités, dont Daoud Saif, tôt dans l'année, ouais. Suivi d'Adil Rukman et très récemment Amir. Amir. L'artiste anciennement connu comme Amir. Ouais, c'est bon. Ah, aussi, il y a un remake du classique Gin Busters avec un casque complètement féminin qui suscite la controverse chez les nerds arabes. Gin Busters. Gin Busters. T'as-tu fini, là? Non, j'ai pas. Presque à la fin. Je suis rendu à moitié. Trois quarts. C'est la première fois qu'il y avait des femmes au cinéma, pas de voile, genre. Non, c'était pas la première fois. C'est pas votre univers. Hein. C'est bon. C'est le bon univers. J'essaie de comprendre. Il y a aussi plusieurs accusations de brownwashing dans l'industrie cinématique de Hollywood. Surtout en réponse au casting d'Aishwarya Rai dans le rôle de Major Makoto Kusagi pour le grand vision, voyons, la version grand écran de Afrit in the Shell. Il y a une couple de personnes qui l'appellent, ouais, correct. Par contre, les Arabes ne voient pas le problème puisque c'est un rôle fictif et de toute manière, ils ne voient pas la couleur de la peau. C'est nous autres! Dans cet univers-là, bref, être blanc, c'est être dans la minorité. Être blanc, c'est pas avoir de droits. Être blanc, c'est se faire comparer à des coquerelles quand tu fuis ton pays parce que d'autres personnes ont décidé d'y envoyer leur conflit dans ton territoire. Être blanc, c'est se faire dire « Arja la baladak », qui veut dire « retourne dans ton pays », juste parce que t'as un teint de peau différent. Fait que... prochaine fois que quelqu'un veut se sentir vraiment, mais vraiment insulté quand je dis « Hey, les Blancs, là, calmez-vous », pensez qu'il y a un univers parallèle, là, ou est-ce qu'il y a quelque chose de pire qui existe? Là, j'ai fini. On est tout le temps pire ailleurs. Merci beaucoup, Mustapha! Je l'aime pas, moi, son univers. Ben non, en tout cas. Hein? Au moins, c'est en train de changer. Hein? Ouais. Tout peut être progressif partout. L'important, c'est pas où t'es, c'est où tu t'en vas. Penses-tu qu'il y a un autre univers parallèle où est-ce que c'était toutes des filles, cette affaire-là? Ça, c'est pas pareil. C'est la première fois que Ghostbusters, c'est des gars. Tu sais qu'en 2016, un univers avec des filles et un univers avec des gars, c'est pas pareil. Ah oui! On est d'accord. C'est différent. Et ça apprécie, hein? On vient d'avoir des affaires. Il a parlé du cœur, hein? Ça paraissait pas, mais lui, il est comme moitié d'un autre pays. Ça paraît. Il est aussi bronzé que toi. Que je sais pas. C'est difficile d'être bon raciste des fois. Est-ce que t'es un bon raciste? Non, je suis juste un bon. Ouais, c'est. Bien joué. Parce que moi, il y a un de mes oncles qui arrêtait pas de se vanter qu'il était raciste au Témiscamingue, redneck à fond. Puis son show de TV préféré, c'était Star Trek. Fait que tu sais, non, là, t'es pas bon raciste. Là, non, ça tu pourrais pas, facilement changer quelque chose dans ton comportement pour devenir meilleur raciste. T'sais. Non. Il voulait pas faire ça. Là. Parce qu'on a tous nos ratés. Hein? Siècle 21, l'urgence monte le ton. Ça devient difficile de rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur radioh2o.ca et contribuez-vous aussi à être la différence. Pour que jamais ne s'estompe nos sourires, on se parle parce que le temps est venu d'agir. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Des condons. Tu sais, des condons extra sans sucre qui durent extra, extra longtemps, là. Ça se peut. En tout cas. J'espère qu'ils vont voler mon idée. Hey, salut tout le monde! Salut Jonathan! Lui, donc, c'est le spécialiste en publicité, lui. Bon, fait que là, ouais. Il amène des jingles, puis on a hâte que ça finisse. C'est à peu près ça. C'est bien let's résumé. Go. Donc, on va y aller tout de suite avec le numéro 4, qui est un restaurant asiatique. Donc, 94. Oh, des kudasai. Épatant, excitant, et invitant, Benihana. Donc, la question existentielle que je me pose, ouais, c'est vraiment très beau. C'est asiatique beaucoup, c'est, hein? C'est asiatique. Ça sonnait asiatique. Ouais, ouais. Oriental. Oui. Et la question existentielle que je me pose en écoutant ce jingle-là, c'est-tu Bernard Fortin qui chante? Ça se peut. Mais c'était ses grosses années, ça, là. Ouais, non, mais... On va y aller avec le numéro 3. Voici les Kodak Fun Saver. Les voici, beau et chaud. Les films, appareils, photos. Deux dans un du jamais vu. On en a plein la vue. Pour un beau... Panorama Kodak Fun Saver, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On en a plein la vue. Au grand air ou dans la mer, des photos vraiment super. Ouais, des appareils photo jetables qui pouvaient photographier en dessous de l'eau. Eh, bateau, hein? Ça reviendra pas à mode, ça, je pense. Les appareils photo jetables, c'est une très belle initiative contre l'environnement. Ouais. Non, mais t'essaierais de prendre une photo en dessous de l'eau avec un iPhone, là, ça marche pas bien, là. C'est vrai, on n'est pas équipé pour l'instant. Ben, y en a des téléphones qui prennent des photos sous l'eau à Star, mais pas n'importe quel. Ouais, sûrement qu'il faut. C'est ou t'as le petit casing magique. T'es mieux de demander. Ou tu prends celui de ton beau-frère et tu dis que je l'ai échappé après. Peut-être qu'on va revoir la photo. Let's go, next! Oui, next, hey, mon numéro 2, qui est un des nombreux restaurants qui est disparu du Québec dans les années 90. En plus des bonnes frites fraîches, des breuvages à volonté, y'a rien comme le poulet ou les côtes levées. Chalet suisse! Ça, le chalet suisse, il y avait tout le temps un Harvey's de coller après. Découvrir le nouveau menu, les nouveaux délices. Ben, on s'est rendu compte bien vite que c'était le contraire. Ouais. Ouais. Finalement, donc, c'est Harvey's qui a arrêté d'inviter chalet suisse à venir jouer, là. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est comme, moi, à Terrebonne, où est-ce que je restais, il y avait un Harvey's qui était collé avec un chalet suisse. Après ça, c'était un Harvey's collé avec un Nichols. Puis après ça, c'était un Harvey's collé à une banque laurentienne. Puis après ça, c'était une banque laurentienne collée avec rien. Et voilà. Fait que... c'est l'histoire de la vie. Ben le cycle éternel. Ça explique tout. C'est ça. Et la banque laurentienne fait du très mauvais smoked meat. Donc... Il ne prépare pas tes burgers à ton goût. Ouais. Hey, on y va avec une pub. Il y avait des tortues, puis ces tortues-là ont les mêmes couleurs que les Ninja Turtles, sauf deux. Vagons-toi de par minuit, destination Rimouski. Je suis un homme de foi et ma foi roi de la route. La morale de la table. Ouais, je jouais souvent dans RBO Hebdo, ouais. Comme ça. Ou aussi pendant le hockey. Ou pendant le, ouais, ouais, pendant le hockey. Hey, pendant que t'es là, Jonathan, Antoine, la semaine passée, on a demandé à notre invité qui venait des petits chanteurs du Mont-Royal de nous faire Barbie's Resto Bar Grill a cappella. Et moi, j'ai l'impression que c'est un défi qui est à ta taille. Est-ce que la toune, t'as chez Barbie's Resto Bar Grill? On l'a fait-tu? Ben non, mais si je la connais pas, Barbie's Resto Bar Grill. Je la connais pas, Barbie's Resto Bar Grill. OK, on l'a fait! 3, 2, 1! Barbie's Resto Bar Grill! Quel endroit! Quel festin et toute une ambiance! Chez Barbie's Resto Bar Grill! Ah, ah, ah! Oh, oh, oh, Barbie's! Tu vois, à ce temps, t'as assez. T'as. Tu vas être le hit dans toutes tes showers de bébé, c'est sûr. Hey, je vis des beaux moments en ce moment. Ben oui, ben oui. Ben moi, j'aime ça faire chanter. Est-ce que tu es capable de me faire ta plus belle imitation de Whitney Houston, de I Will Always Love You? Je peux y aller avant si t'es gêné. Hein. Oh, ben, écoute. Let's go. Tu passes de Barbies. Ouais. Ah, ben, that's it. OK, fait que là on fait I will always love you. Will always love you. Ah, c'était vraiment hot. Va falloir changer de pantalon, on a trouvé la note. Brown merci. Note. Merci Antoine. Ça plaisir. C'était de toute beauté. Tu peux aller t'asseoir, ouais, toi. Bon, Jonathan Simon, mesdames, messieurs. Ah, on a envie des moments. Toi, Bruno, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un 70%. Oui. T'aimes-tu les nouveaux changements? Ben, ça me stresse un peu parce que je porte toujours un très beau veston. Fait que, tu sais, de la peinture à côté de mes vestons. Oh, tout bad. Tu vas vivre avec. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis, toi, comment ça se passe, ton premier 70%? Ça passe très bien. Je me sens un peu mal de pas avoir pu relever le défi du Barbies. Ouais, mais je comprends. Tu sais, écoute, tu viendras mieux préparer la prochaine fois. Ben ouais, ouais. Mais si tu veux... Je m'achète une TV. Moi et tout le monde, là, je suis bien plus déçu de ton attitude par rapport à Magic que ton attitude par rapport au Barbies. Je veux que ce soit su à ce moment-ci. OK. Hey, let's go, Nick. On passe au prochain. Mesdames et messieurs, l'heure de la digestion a sonné. Vous êtes habitués à manger de la marde. Dorénavant, on va vous montrer comment s'alimenter pour créer un axe synergique à l'intérieur de l'intestin grêle, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi j'aimerais nommer ce qui pourrait s'appeler le nouveau gluten. Vous avez entendu parler du gluten. Vous écoutez des commentateurs parler du gluten. Vous mangez du gluten. Mais peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le gluten. Je l'ignore moi-même. Tout ce que je sais à propos du gluten, c'est que c'est quelque chose qui a une résonance magnétique contraire à l'énergie interne de l'intestin grêle. Et pour ça, j'aimerais vous montrer les avantages, mesdames et messieurs, de manger sans gluten. Les avantages. Quels sont les avantages? Ceci est une matraque qui a servi à écraser des petites graines. Car le nouveau gluten, dans l'ère du 22e siècle, c'est les petites graines. Donc, qu'est-ce qu'on a à aussi enlever les petites graines de notre alimentation? D'abord, une maximisation de la force, mesdames et messieurs. Avec une beauté intérieure. De la flore. Maximisation de la flore. Oui. La beauté intérieure, mesdames et messieurs. Savez-vous pourquoi les fleurs sont belles? Selon un grand poète japonais, c'est parce que les fleurs sont insolites. Et c'est-à-dire que c'est une beauté qui fleurit à chaque saison avec quelque chose d'imprévu à chaque fois. Donc, quand vous regarderez l'intérieur de la cuvette afin de voir qu'est-ce qui vient de sortir de vous, vous saurez dorénavant que la beauté intérieure est quelque chose d'insolite, mesdames et messieurs. Deuxième point. une endurance à toute épreuve. Et les preuves d'endurance ont été prouvées en 1978 lorsque le professeur Rosenthal a démontré que les gens qui mangeaient des petites graines avaient un plus haut taux de valvulisation à l'intérieur de l'aorte cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une prime d'assurance double et une double assurance que votre prime d'assurance ne doublera pas dans le cas d'un accident contraire. À travers ça, une jouissance inestimable et les cadeaux de la vie. Profiter de la vie, c'est quoi? C'est quoi profiter de la vie? Qu'est-ce que c'est vivre? C'est profiter de la vie. Il y a beaucoup de philosophes qui ont traité de cette question-là d'une manière spirituelle externe. Moi, je me dis, avec ma matraque, ça serait peut-être le temps d'interpréter ce sujet-là à l'intérieur, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on ingère pour pouvoir projeter à l'intérieur une relation d'expertise normale. Et ça, c'est quoi une relation d'expertise normale? C'est une gamme de vêtements à digestion de synthèse, un style de digestion à mon image. Vous avez peut-être pas remarqué, mais je porte en ce moment un style de digestion à mon image, une gamme de vêtements à digestion de synthèse intégrée qui me fait ingérer les nutriments directement à travers l'épiderme et qui me nourrit de façon succutanée. Donc, bien sûr, nouveau gluten, on évite les petites graines. Et pour ça, bien sûr, on arrête de manger des tomates. Des tomates, ça paraît pas, mais là-dedans... Dans les tomates, c'est quoi ça? Il t'a fait lancer une tomate? Evil tomate, on veut pas de tomate. Donc, ça paraît pas, mais il y a des graines de plus en plus petites qui ingèrent notre organisme. Et les bananes aussi, il y a des petites graines. Voyons, le livre de Damien est alone. Donc, merci, c'est Dieu pour la banane. Donc, j'ai pas juste l'air agressif avec mon bâton. On va regarder de l'autre côté. On vient de se faire sortir de l'antenne. Non, de l'autre côté. Non, en fait, de l'autre côté. De l'autre côté encore. Et on va le remettre de l'autre côté. Ah donc, on va avec les conséquences d'une alimentation avec petites graines. Un rythme plus lent et moins régulier. Des petites graines! Et 15%. 15%, qu'est-ce que ça veut dire? 15% moins ou plus ou moins de taux de détermination. 15% moins ou plus de taux de détermination au changement. Et 15% ou moins ou plus de changement d'orientation. À cause de ça, Ariane Moffat est devenue une actrice dans une série avec Pascal Bussière, écrite par Fabienne Larouche. Vous n'avez pas vu le pilote, mais ça s'en vient la saison prochaine à Radio-Can. Si tu me permets, Damien, avant d'aller plus loin, le 15%, je le reconnais de ta nouvelle, ton investissement cycloïdal. Là. En fait, hélicoïdal. Tu parles bien sûr de la vente hélicoïdale, oui, un modèle de vente qui intègre la structure moléculaire de l'ADN. Tu sais que 15%, en fait, c'est un chiffre magique. Parce que 15 plus 15, ça donne 30. Tu le multiplies par 2, ça donne 60. Enlève le 0, Tommy. Qu'est-ce que ça donne? 6. Fais 3 fois 6. 18. Non, mais comme 6, 6, 6. C'est... OK, je comprends. OK? Puis ça, c'est une des bonnes tunes d'Iron Maiden, ça. OK? Puis au Colisée Pepsi à Québec, faisait chaud. Ils ont commencé chaud avec ça. C'était vraiment bon. OK, parle-nous de graines puis d'Ariane Moffat. On va parler d'Ariane Moffat dans un instant, mais j'aimerais tout d'abord revenir sur le comportement de petites graines. Donc, on le sait peut-être pas, mais à force d'ingérer des petites graines, ça se peut qu'on ait un comportement de petites graines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ignore soi-même avoir une petite graine, mais que dans ta tête, on a une grosse graine. Donc moi, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais j'ai toujours sous main mon shake d'avocados à grosses graines et aussi au... je sais pas, en fait. Mon sketch s'allonge, là. Donc, les conséquences sont vraiment néfastes. Je pense qu'on peut rapidement montrer les avantages. Rappelez-vous, l'endurance à toute épreuve, en revirant de bord, on passe d'une endurance à toute épreuve à un rythme de vie, mais pas de façon de digérer. Et puis, si je pourrais terminer là-dessus, moi, c'est mon rêve. De pas tout simplement avoir une façon de vivre, de véhiculer un message, de parler aux autres, d'aller vers l'autre, regarder l'autre, mais aussi, ça serait seulement un rythme de vie. Ce que je veux, c'est une façon de digérer. une façon plus saine de vivre avec les autres, mais surtout à l'intérieur de moi-même. Et pour ça, je fais confiance à l'ablation des petites graines. Donc, souvenez-vous, la prochaine fois, si vous mangez un fruit, une chope de porc ou tout simplement une salade César, demandez à la serveuse s'il y a des petites graines dans votre manger. Merci. Damien Blasse-Bouchard, mesdames, messieurs! Le nouveau gluten, les petites graines. Sapristi, mon gars. Ouais, son cul est vraiment éloquent. Il arrête pas d'en sortir des mots. C'est fou, hein? On parlait de mots vides tantôt. T'as pris des notes. Si tu veux, il va t'en écrire une. Toi, tu feras ça au piano, ça va être beau. Je comprends déjà rien, mais ouais, j'aimerais ça comprendre plus rien. Tu iras y parler, il est super sympathique. Puis gars, même, il fournit les fruits. je pense qu'on passe au prochain, Nick. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexandre le bourreau. Larocque, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonsoir à la maison. Oui. Hein? Antoine Graton, ce soir, je suis content que tu sois là. Tu as déjà travaillé avec ma sœur, Amélie Larocque, et ma petite sœur. Oui, okay. je pense que je sais exactement à quoi tu penses, on n'en parlera pas. Mais non, il n'y a pas d'histoire, donc je ne veux pas partir de... Non, il n'y a pas d'histoire de... Frank Zappa, oui, c'est mon frère, ça. Donc, notre spécialiste de jeux vidéo, oui. Tu nous parles de quoi cette semaine? Je parle de Team Hospital ce soir. Team Hospital? Oui, il y a des fans ce soir, mais c'est pas un jeu très, très rare. Hein. C'est sorti en 1997 par Bullfrog Productions. C'était sur PC et PlayStation, le premier PlayStation. En fait, une couple de personnes, c'est ici, ma blonde est tombée malade. On a passé trois jours et deux nuits à l'hôpital. Donc, je me suis dit, pourquoi pas... Gérer un hôpital, assis dans un hôpital, Inception, c'est malade. J'ai joué à Team Hospital. C'était pas comme dans mes souvenirs. Hein? Non. Moi, non. C'est bizarre. Déjà, juste la cinématique au début, ça part. Je sais pas, on dirait que c'est une école, genre le centre NAD, qui ont le projet de milieu d'année. J'aurais pas le goût de me faire soigner par un docteur comme ça. C'est avec la grosse chaîne. Je vais te donner les deux photos. En fait, tu puisses. Parce qu'on est en podcast à la radio, ils savent fuck all de quoi que je parle c'est en ce moment. Grave. On va demander à Antoine de décrire. Exactement. On peut demander à Antoine dents. De décrire. Il y a des grosses dents, des gros yeux. C'est quand même très bronzé orange aussi. Ça, c'est du 90s. Oui, c'est ça. 97. Oui, 97. Ouais. Oui. Oui, exactement. En fait, les faces de tout le monde ressemblent au bonhomme carnaval. Exactement. Ouais. Mais c'est le même gars, c'est juste qu'il est. Justement, dans la cinématique, on part, il déchire son chandail comme si c'était un super héros. Puis là, il y a un gars qui arrive dans l'hôpital, qui arrive avec sa chaîne, ça. Puis quand le gars n'a plus de cash, il crise dans une trappe. Hein? Ben ouais. Ah, ça, c'est oui, le système privé. Le serment d'Hippocrate. Oui, exactement. Puis en fait, ce qui m'a accroché dans ce jeu-là, c'est vraiment les CV des employés. Hein? J'ai décidé de monter l'hôpital la plus weird, très québécoise finalement. Fait que j'ai choisi les pires, tu sais. Non, c'est vrai, on voit d'où ce qui pogne les inspirations. Juste les concierges, on commence par les concierges. Okay. J'ai pogné trois super concierges. Le premier qui s'appelle Bacrac, sur son CV, c'est marqué « Jamais en forme, aime les films gréco-espagnols ». Je l'ai choisi. Le deuxième. C'est toutes tes conditions. Non, oui, ça rentre dans mes conditions. Le deuxième, qui s'appelle Gwilignal, aucune considération pour son travail. Yes. Fait de la sculpture sur Saint-Doux. Wow. Je l'aime. C'est weird. Ouais, puis j'invente rien. Hein, c'est vraiment ça. Silnel, d'une grande paresse, va tous les samedis huer des comédiens. Ça a l'air d'être quelqu'un d'utile dans son milieu. Lui, il a une belle vie en tabarnak. Il a une belle vie. Il est heureux, notre gars. Après ça, il fallait que je m'engage les infirmières. Fait que la première infirmière, qui s'appelle Jeanne Finitz, d'une grande paresse, elle aussi. Moi, j'aime ça, de mon paresseux dans mon hôpital. Donne des cours de macramé. Dans le fond, c'est une hippie. Je dis, dans mon team. Il y a Tic Gnal. J'ai la misère à nommer un nom tellement c'est weird. Aucune considération pour son travail. Encore parfait pour mon équipe. Prend des bains de lait d'ânesse. Y a-tu quelqu'un qui prend des laits de bain d'ânesse? Non, ça arrive. Ouais, c'est bizarre, en tout cas. Il y avait Corney, elle appartient au club des amis de Migal. Je sais pas c'est qui, mais... Ouais, puis se laisse aisément distraire. Fait que la fille, elle prend clairement trop de drogue. Là. Ouais, c'est juste ça que c'est exactement. Après, ensuite, ben, ça me prend des médecins. Fait que j'ai choisi 4 médecins. Xavier Boule. Lui, il saute à l'élastique. Ça, c'est son passe-temps. Mais il est jamais en forme. Il devrait peut-être lâcher l'élastique. Ouais, ils ont pas dit qu'il était bon. Non, mais c'est ça. Ouais. D'après moi, il fait trop d'élastique. Ouais. Il est jamais en forme. Fait que lui, j'ai dit, ouais, dans mon team. Je sais pas quel genre de skills ça prend pour tomber en même temps. Hein? C'est vrai, hein? Ça prend la gravité, je pense. C'est ça. Surtout, Non, c'est... c'est un acquis. C'est un must. Après ça, j'ai Bill Reitz. Lui est accro à la télévision, puis il est bizarre et plein de haine quand tu veux te faire diagnostiquer dans la joie. Là. C'est le parfait. Moi, j'aime ça. Il y a Cabuvain, qui lui s'exprime toujours avec mépris. Déjà là, il dit, moi, je l'aime. Je veux un autre avis, aller... monsieur. C'est ça, non. Toujours avec mépris, genre... C'est MTS, ce petit traîné de tabarnak, là, moi j'aime ça, ça va être écœurant. Après ça, lui, c'est un ancien héros de jeu télévisé. Fait que dans le fond, c'est un ancien douchebag du loft. Mm-hmm. On va l'emmener avec nous autres, ça va être popé. Puis il y a Glomélé, lui, c'est mon préféré. Je pense lui se fiche de tout et commet des erreurs. C'est le meilleur médecin du monde. Puis raffole des déraillements de train. Moi j'aime ça. Il est popé, hein? Moi je l'aime. Fait que c'est comment ça, écoute, ça peut finir sur un CV, cette information? Je sais pas, là. Mais il n'y a pas d'autres informations. Moi, je te donne toutes les informations sur le CV. T'sais. Puis le pire, c'est qu'il y en a peut-être deux médecins qui sont bons, t'sais. Mais ils coûtent cher. Hein. Fait que toi, tu prends juste des médecins qui sont de la merde. Fait que ton hôpital est de la merde. Fait que dans le fond, tout ça, je vais finir avec ça. C'était juste pour. Hein? Comme c'est au privé, ça? Oui, c'est au privé. Ouais. J'imagine. En tout cas, mais je me suis dit, hein. Avec une commandite de style. C'est ça. La commandite de John Deere. Exactement. Quand t'as plus de cash et de crise dans une trappe, fait que ça ressemble pas mal au privé. Pour finir, hein, je sais que j'ai un point en commun avec notre ministre de la Santé. Hein, on a joué au même jeu en 97. Merci. Merci, Alexandre Larocque. Le ministre de la Santé, Jabba de Hutt, là, c'est lui qu'on a présentement. Tu voulais dire quelque chose, Bruno? Toi, t'avais l'air d'être comme... Ah ouais? Non, mais peut-être que non. Non, je... C'est bon. C'est quel ton dinosaure préféré, Antoine Graton? Colin. On aime ça parler de dinosaures, nous, parce qu'on pense que les gens les prennent pour acquis. Y a-tu comme un... C'est un segment dinosaure comme à toutes les fois? On a souvent ça. Okay. Ouais. Y a une mauvaise réponse. Ouais, genre tyrannosaure, ça marche pas. Non, mais c'est plus genre je les aime toutes ou ben, c'est pas important d'aimer les dinosaures. Non, tyrannosaure, mais c'est parce qu'il y a des mains de pianiste. C'est drôle. Oh, des mains délicates! Mais il peut même pas regarder le clavier. Il non, faut que... tu regardes ben, jamais le clavier. Tu regardes pas le clavier, tu regardes la partition même. C'est vrai. Tu regardes l'affaire que tu vas manger. C'est vrai. Comme tu joues du piano. Les pianistes, j'adore ça. As-tu compris, man? Les euphémismes. Moi, j'ai appris cette semaine qu'il faut faire attention quand tu utilises des euphémismes parce que tu deviens rapidement Hitler. J'ai appris ça cette semaine. C'est Jason McKenney, un député conservateur, qui a utilisé cette allégorie-là. Ah oui. Et on est en train présentement au Canada de traverser deux Rubicons en même temps. Ah ouais, le Rubicon Gate. En tout cas, je te jaserai de ça. C'était débile. All Let's right. go! Let's go, Nick, on passe au prochain. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Oui. Ben oui, t'as oublié l'explosion. L'explosion. Sean Cummings a été allé chez un voisin pour passer une soirée relax entre amis. Au cours de la dite soirée, l'un des invités a décidé d'aller aux toilettes. Trouvant que cette personne prenait trop de temps aux toilettes, Cummings a décidé de sortir son pistolet qu'il avait caché dans son pantalon et de tirer un coup à travers la porte. Oh, tabarnak! Manquant de peu la personne aux toilettes. Cummings est ensuite sorti dehors pour tirer un autre coup sur le bloc appartement, blâmant visiblement l'immobilier pour son envie de toilette. Cummings a été arrêté par la police quelques minutes plus tard. Sa caution s'élève à 20 000 $. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Asti de sans dessin de calice, hein? Ah, oh, qui mange la marde, next, là. Oui! Ah ouais, on s'en va dans le plus sérieux. Roger Carr, le président de BAE Systems, l'un des plus grands manufacturiers d'armes au monde, a défendu le droit de sa compagnie à vendre des armes à des pays qui commettent des atrocités cette semaine devant une pléthore d'activistes anti-guerre, visant principalement leur deal avec l'Arabie Saoudite qui, selon l'ONU, est responsable de frappes aériennes répandues et systématiques contre le peuple du Yémen qui ont été décrites par, comme une catastrophe humanitaire. Lorsque questionné à ce sujet, Carr a affirmé « Nous ne sommes pas ici pour juger les actions des gouvernements, mais pour faire un travail selon les règles qu'on nous donne. » Pour ajouter à cette réponse qui ne répond à rien finalement, il a commencé à prendre un peu de crédit pour la paix dans le monde, affirmant que dans le monde dans lequel on vit, parler doucement en portant un gros bâton dans ses mains peut encourager les autres à négocier. Nous tentons d'offrir au gouvernement les meilleures armes, les meilleurs bâtons afin d'encourager la paix. Donc, si on suit sa logique, si on lui fait signer un papier en le menaçant avec un gun, ben, c'est bien, c'est correct. C'est une bonne chose. Parce que comment tu peux aller jaser avec quelqu'un sans un gros bâton aussi? Là? Ben, sinon, parce que la base de jaser était bonne, ouais. Mais là, après, la métaphore du bâton qui mange la marde longtemps, là, c'est ben non, épais. Il va t'écouter bien plus, c'est un gros bâton. C'est sûr, bien mieux aussi. Bien mieux. Ben oui, sa famille en arrière, ils vont dire « Waouh, il est vraiment gentil, le gars qui menace mon fils oui. avec son gros bâton pour qu'on signe un papier. » C'est une cave. Fait que je sais, là, ça a été tough ces deux dernières heures. Alors, on s'en va tout de suite à la bonne nouvelle, 70%. Ouais! Oh, avec, lumières, avec le tonnerre d'applaudissements et les lumières. Vous voulez marier votre amour du poulet frit et du vernis à ongles? PFK vous a entendu. La chaîne de fast-food, dont le slogan est « Bon à s'en lécher les doigts », a décidé de lancer une gamme de vernis à ongles à saveur de poulet pour tous ceux qui trouvent que c'est une bonne idée. Pour l'instant, le produit disponible en deux couleurs et saveurs nommées recette originale et chaud et épicé ne sera distribué que sur le marché asiatique. Oh. Et sur Internet! Oui! Donc, regardez l'œil ouvert, ça va être tellement populaire, ça part là. Je suis sûr que c'est disponible d'ici la fin de l'année. Oh, tabarnak! Merci, Bruno. Oui, et finalement, le supermarché Lidl. En Allemagne, c'est vu dans l'obligation de faire un rappel d'un lot de hareng en conserve à cause d'un problème d'étiquetage. En effet, les étiquettes de boîtes de hareng ne contenaient pas la mention à l'effet qu'elles pouvaient contenir du poisson. C'est comme quand il est écrit « peut contenir des arachides sur ton sac de peanuts ». Voilà, exactement. Ouais, ouais. Un communiqué officiel de la chaîne affirme « Si vous avez acheté un de nos produits et que vous avez une allergie au poisson, ne le mangez pas et rapportez-le à une succursale pour un remboursement ». Inquiétez-vous pas. Ils sont avec nous. Il y a un rappel qui est fait. Merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. Ah, ça apprécie. Ah oui. Ça nous amène tranquillement pas vite à la fin de 70%. À ce moment-ci, c'est de bon ton de lève-toi et tasse-toi. Là, on ramasse les affaires. C'est sûr. On va faire ça vite parce que ça va être une performance live de notre invité Antoine Graton. On est très content de t'avoir avec nous. À ce moment-ci, c'est de bon ton de remercier les techniciens là-bas, les chroniqueurs qui ont fait le show. Oui, on peut remercier ça, oui. Et si on veut suivre les péripéties d'Antoine Graton sur Facebook, est-ce que c'est vivant? On amène les gens où? Ouf, je sais plus. Je sais plus. Ton site Internet, je l'ai trouvé très beau. Ouais? Oui. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé. OK. T'as comme du monde qui s'en occupe. Ouais, même pas. Si, moi, je m'a dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un show. Je fais du studio. Je fais de la réalisation d'albums pour bien du monde. OK. La carrière de chanteur. Non, t'es rendu plus. Tu tires des ficelles, genre. Yeah. J'aime ça. C'est plus le fun. C'est peut-être. T'es confortable là-dedans. Moi, j'adore ça. C'est juste que là, je sais plus qui c'est qui gère mon site web, des enfants de même. Tu me poses cette question-là. Ça fait comme 8 ans que personne m'a posé cette question-là. Fait que ah, c'est apprécié. La dernière fois que quelqu'un m'a posé cette question-là, que l'Internet n'existait pas. Okay, je sais pas quoi te répondre. Fait que je viens de te donner quoi faire. Il doit y avoir les deux prochaines Facebook semaines. Quelque part. Et voilà. Suivez Antoine Graton. C'est dit. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café. 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. a l'air de marcher, cette affaire-là. Yeah! Yeah! C'est comme le jeu de l'excitation ici, là. Y a-tu complet? Y a-tu tous les morceaux? C'est ça qui se passe dans la salle en arrière du brouhaha. Moi, j'habitais à côté du site pendant un petit bout, puis je savais pas que vous aviez ce jeu-là. Il y a quand même un jeu, là. Ah, c'est comme serpent et échelle, mais c'est comme spermatozoïde, puis spermatozoïde, finalement. Colin. Ça fait 50 jours que je cours. 50 nuits que je prie. Au désespoir, mon grand cheval noir s'est poussé dans le décor, le monde du chemin. Joue mon blues le long du chemin. M'a bien fini par t'attraper dans le détour. Mon grand cheval noir d'amour. J'ai beau essayer de vouloir t'oublier. Ça fait 50 ans que je t'entends galoper. À l'horizon, dans une ville de carton, toi puis moi, on tourne en rond le long du chemin. Le long du chemin. M'a bien fini par t'attraper dans le détour. Mon grand cheval noir d'amour. Hey, t'as beau hennir, t'auras beau huer, t'auras beau partir loin, aller te cacher. Les quatre fers en l'air à grands coups de lasso. M'a bien te faire voir c'est quoi le rodéo le long du chemin. Je m'en blouse le long du chemin. Pour bien finir par t'attraper dans le détour. Mon grand cheval noir d'amour. Une planche de fromage aussi, hein? Fromage. Mon grand cheval noir, t'es un peu ma vie, un peu mon histoire, un peu ma prairie. Deux, trois cactus, une coupe de montagnes russes. Et toi et moi, on est parti le long du chemin. J'aime ma blues le long du chemin. Merci pour l'écho, c'est gentil. M'a bien fini par t'attraper dans les tours. Mon grand cheval noir d'amour. M'a bien fini par t'attraper dans les tours. C'est le fun quand tu chantes d'où les gens qui parlent, ils se sentent mal en esti. Mon grand cheval noir d'amour. Merci beaucoup. Et c'est fucké. Je me sens mal parce que j'ai pas de toune comme drôle ou bien politiquement chargé ou d'affaires de même, là. Ah, that's it, hein? Ça, c'est une toune d'un gars qui s'appelle Steve Faulkner qui se tient pas ici, mais il devrait... Parce que dans le temps, il se tenait à une place qui s'appelle l'inspecteur Épingle, qui est maintenant fermée. Ouais, mais Chris, hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? That's it. On va garder ça en arrière de la porte, là. Faut pas qu'ils vous trouvent, parce qu'ils vont dire qu'ils font trop de bruit, si, je sais pas. Là. Il a mis le feu à son duvet si doux. Il n'était plus bien là où il avait planté ses clous. Il y a des fils qui se défilent partout et des rêves qui n'ont pas de prix. De temps en temps, il regarde derrière. De temps en temps, juste pour s'en rappeler que là où les autres sont bien, il a froid, il a faim. Quand il ne reste plus rien, enfin, let go, let go. Oh oh oh oh. Na na na na na na na. Let go, let go. Oh oh oh oh. Na na na na na na. Assis sur un rocher, un regard essoufflé, les cendres de ses soupirs. Un jour il a oublié d'oublier. Et il eut le plus triste des sourires. En regardant pousser le jardin de ses souvenirs. Sont bien, il a froid, il a faim, et quand il ne reste plus rien, enfin, let go, let go, oh oh oh oh, na na na na na na na, let go, let go. Let go, let go. Oh, oh, oh, oh. Na na na na na na. Merci. Êtes fou, comme de la marde, comme on dit. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce? Pas grand-chose à dire entre les tunes, hein? J'espère que ça vous gosse pas trop, là. J'aime le bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait. Fromage, fromage, c'est ça. C'est. Calisse, hein? on peut pas vous glisser une référence que hein? Hein? Je me suis fait glisser une référence l'autre soir, calé, ça. Non, tard, mais pas trop. Tard, pas trop. Juste assez, man. J'ai passé toute la journée à attendre quelqu'un qui est jamais venu. J'ai passé toute la soirée à attendre quelque chose qui aurait pu. Mais personne n'est plus sûr de rien. C'est toujours des peut-être ou des oh ben je sais plus. J'en veux plus. Je m'en allais en voyage et jamais revenir. Oh, je m'en allais en voyage et tout reconstruire. Oh, si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris que tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Non, non, non. J'ai passé ma vie à faire mes valises, mais je suis jamais parti. J'ai passé ma vie à apprendre la langue, mais j'ai jamais rien dit. Comme un entraînement des plus sévères, comme un guerrier qui se prépare pour la guerre, qui a jamais lieu, qui a jamais lieu. Je m'en allais en voyage et jamais revenir. Oh, oh, oh. Je m'en allais en voyage et tout reconstruire. Oh, oh, oh. Si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris que tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Non, non, non. Non, non, non, non. Oh. Non, non, non. Tout le monde que je rencontre s'emmerde, mais s'emmerde à faire quelque chose. Mais quand t'as plus rien à perdre, y'a plus rien qui te repose. Oh, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué de la guitare. D'habitude, je joue du piano, mais là, c'était quand même un peu calice pour amener ça ici. Fait que. Vous avez comme pogné la version cheap, là, mais. Correct, correct. Oh. Et voilà. Et si vous essayez de me suivre, c'est que vous n'aurez pas compris que tout ce que je veux, c'est vivre, vivre ma vie. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non, non. Non. Ooh, yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce que le gars avec l'écho, il est au rendez-vous? Ah, tabarnak. Non, non, non. Oh, oh, oh. La salade au canard et au bleu est excellente. Elle est plus que pas pire quand même. Moi, j'ai vécu à ça là, trois fois par jour pendant au moins trois mois ici. Là. J'habitais en face. Puis ça allait pas très bien. Quand ça va pas bien, tu te fais pas de bouffe. Tu sais. Le brou était là, honnête. Pour moi, là, le menu là, de tous les numéros. Là. Joue au bingo avec ça, Nesti. Ça dit bien de revenir à la bonne rose de quelque chose. Là, c'est quoi donc? Fleur, hein? C'était fleur du mal. Fleur du diable. Fleur du diable. Fleur du diable. Ah! Que je. Qu'est-ce que je ferais bien? Prendre deux secondes sur le ballon. Astia. Astia. Je pense m'en prendre la toune de caillouche. Abbey Road, tu devrais t'en rappeler, ça fait pas longtemps. Ah, ça c'est pas pire. Ça. Ça, à la limite, je le connais mieux que mes propres tunes. Ça va bien. C'est quoi? C'est l'alcool au volant, c'est criminel, la bière vient chaude, mais la poche te gèle. Si tu bois en drivant, t'es toujours arrêté à tous les... pour pisser. Ouais. Ça, c'est de la poésie urbaine. Hey, Collis. Hey, Ah, ben, va faire une toune, c'est en acadien, Colin, tant qu'à là. To drive it down to New York City. J'ai vu toute la ville sunshining. Mais rien pour me faire oublier ta pretty face. The pretty face I'm with. Oh, le soleil se couche sur les buildings, comme mon corps sur le tien, my darling. J'ai pris le large à New York City, pris un détour beside my way. Rien pour me faire oublier ma silly face à moi. Oh, le sunshine s'étend sur les gratte-ciels, comme ton corps sur le mien, ma belle. Viens donc à New York City. With me, my baby. Viens donc, à New York City. Ici, on dort jamais. J'ai tellement joué à New York City. They burned sur mes fingers blessés. Des ampoules qui rêvent de t'allumer de la tête jusqu'aux pieds. Oh, le sunshine réchauffe les boulevards comme tes becs sur mes bobos, mon trésor. Y'a un gars qui fait des bacs avec des chutes en arrière, je lui demanderais d'arrêter, ça empêche les gens de parler ici, là. viens donc, à New York City, with me, my baby. Viens donc, à New York City, ici on dort jamais. Ici, on dort jamais. J'ai pris le large à New York City. J'ai vu toute la street s'embrouiller. En fait, je commence à oublier. To forget what ce que j'ai to say. Oh, mon corps s'endort sous les de ces lumières, mes yeux se ferment sous les soleils de Times Square. Dernière bluff pour la route. Ok, il y a comme un. Ah, that's it. Ok, il y a comme une affaire là. Parfait. Là, c'est. Si je comprends bien, c'est toi là, qui est en train de caler sa bière avec la cravate là. Calice. Je. Je suis mieux d'en choisir une bonne, hein? C'est ça là, qu'en train de me dire là. OK. M'en faire une. OK, non, c'est bon, m'en faire une exprès pour l'occasion. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said I don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said I am the one who will dance on the floor in the round. Le chapeau est comme drôlement approprié. She told me her name was Billie Jean as she caused the scene. Then all the eyes turned and they all wanted to be the one who will dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round. My mama went told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts, yeah. My papa went told me, be careful what you do. Be careful who you love, cause that love becomes the truth, yeah, yeah. Billie Jean is not my love, she's just a girl. Claims that I am the one, but the kid is not my son. She said I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, the law was on her side. But who can stand when she's in the man? Her schemes and plans. Cause we dance on the floor in the round. So please take my strong advice. Just remember to always think twice. Yeah. Don't think twice. My papa always told me, I'll be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. My mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause that lie becomes the truth, yeah, yeah. Billie Jean is not my love, no, no, no. She's just a girl, claims that I am the one. But the kid is not my son. No, I didn't fuck a baby. Yeah, yeah, yeah. She said I am the one. But the kid is not my son. You know, no, I didn't fuck her, baby. You know, she claims that I am the one. La grande finale. And the kid is my son. Moi, j'ai vraiment eu des frissons spéciaux pendant la toune en acadien, là. C'était... ça apprécié. Ouais, mais allez fouiller ça, ton Facebook. Moi, j'ai entendu dire que... ça... ouais. Hey! Antoine Graton, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez-y encore! À partir de maintenant, il est disponible pour prendre des photos, hein, si je t'invite à aller prendre une photo dans le coin. Certain. Vous écoutez présentement Radio H. On laisse la parole à un monologuiste souvent de la relève ou un que ça y tente de venir ici, en tout cas. Et ce soir, c'est François-Luc Saint-Gelais. Accueillez l'homme au plus de traits d'union de la vie. Voilà, Fluc! Bonsoir, vous allez bien? Ce soir, je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort en imitant un humoriste qui fait des sujets un peu clichés pis pas tant. Est-ce que ça vous tente de voir ce que ça pourrait avoir l'air? OK, je vous propose de faire une genre de prise 2. OK, je vais revenir. Là, vous allez m'applaudir comme si c'était comme le juste pour rire. OK, je reviens. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais, moi aussi. C'est drôle parce qu'en me posant cette question-là, je me suis dit, comment un humoriste de base peut poser cette question-là à toutes les shows? Je veux dire, comment ça, cette question-là peut être une entrée en matière quand tu fais un show bénéfice contre le cancer? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Non, parce que vous êtes malade. On commence en force. Hey, tantôt, là, j'étais sur Facebook. Puis, il y a un gars qui partageait des photos de son voyage à Toronto. Chris, un voyage à Toronto, des photos de toi à côté d'un building à Toronto, c'est l'équivalent de prendre des photos de soi-même pendant une inauguration de Dollarama. Je veux dire, on s'entorche. On s'entorche totalement. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle dans tout ça, c'est que, tu sais, hier, j'étais au Subway. Hein? J'étais au Subway, puis c'était vraiment malade. Je veux dire, j'étais au Subway tout seul. Parce que moi, dans la vie, je me dis, je vais vivre ma solitude, un sous-marin à la main. Allez. Je suis tellement wild, ça n'a pas de sens. Puis j'écoutais une conversation, puis il y a une madame qui disait que, grâce à la parole de Dieu, elle avait trouvé la force de maigrir et de retrouver une vie saine. Fait que si je prends son témoignage, si Jésus serait en vie en ce moment même, il ne serait pas un messie ou un seigneur, mais plutôt un méchant bon nutritionniste. Je veux dire, j'imagine très mal Jésus en 2016. Prenez-en et mangez-en tous. Sauf toi, Sophie, ça va rentrer dans tes cuisses. Jésus de Nazareth, nutritionniste engagé. je connais plein de monde qui ont des beaux souvenirs quand ils pensent à leur premier baiser. Moi, la première fois que j'ai embrassé une fille, j'avais des papillons dans le ventre, j'étais tout étourdi. Sur le coup, j'ai vraiment aimé le feeling, mais au final, je me suis rendu compte que c'était une intoxication alimentaire. Au moins, quand je repense à cette anecdote-là, je me dis que je suis sûrement la seule personne à avoir vécu des faux espoirs à cause d'un shishtawak. Chacun ses combats. Hier, je me suis fait choquer par une fille. En d'autres mots, j'ai comme passé la soirée tout seul à boire deux bouteilles de vin. Puis, c'est à ce moment précis que j'ai fait un genre de constat sur ma consommation d'alcool. Parce que moi, dans la vie, quand je bois de la bière, je deviens émotif au point où, des fois, ça m'arrive d'éclater en sanglots en écoutant les chroniques de Narnia. Quand je bois du vin, je deviens colérique. Oui, je suis capable de me fâcher. Je deviens colérique au point où je me suis déjà chicané avec un de mes amis parce qu'il n'avait pas retourné un de mes appels en 2007. Je suis de même. Puis quand je bois de l'alcool fort, ben il n'y a pas grand-chose à dire. Mis à part que j'ai compris qu'il ne fallait pas mélanger du Jack Daniel avec de la nourriture mexicaine chez son ami Pedro. Bon. J'ai dit Pedro et je suis une mauvaise personne. C'est correct. Je m'excuse, Pedro. En fait, il s'appelait Manuel, mais je me suis dit Pedro, c'était peut-être mieux. Anyway. Ainsi, bon, oui, bon. Depuis quelques années, on essaie de sensibiliser les jeunes vis-à-vis de l'intimidation. Puis moi, je pense que l'intimidation, c'est quelque chose de crucial dans la vie d'un adolescent. Parce que, tu sais, moi, au secondaire, je me suis fait traiter d'attardé, de fif et de spermatozoïde mal investi. Mais, tu sais, c'est un peu grâce à ça que j'ai compris ce qu'ils ressentaient les employés du service à la clientèle chez Bell. Yeah! Elle est en feu. On l'applaudit. On l'applaudit. Bravo, Caro. Elle est en feu. Je suis un showman. Ouais. Ça n'existe plus. C'est du passé. Je m'appelle Philippe Bande. En général, dans la vie, c'est un peu... En général, dans la vie, c'est un peu vrai que je suis faible. Je veux dire, je m'essouffle quand je me brosse les dents. J'adore Francis Cabrel. Puis, quand je joue au PlayStation, je fais de la rétention d'eau. Ça, c'est une histoire vraie, fait que c'est juste vraiment triste, en fait. Mais, yes, sir. Puis c'est drôle parce que là, je vous parle un peu de mon côté faible. Puis là, je me sens comme touché. Je me sens comme proche de vous. Puis là, je me suis dit, hey, si je me sens touché avec eux ce soir, je pourrais peut-être leur avouer un secret. Est-ce que vous voulez que je vous avoue un de mes plus grands secrets? Moi, dans la vie, j'écris des poèmes. Mais. OK, là, on se calme. J'ai dit, j'écris des poèmes. J'ai pas dit, hey, j'aime ça écrire sur les courants d'eau et l'amour. Mais non, c'est pas ça. J'écris des poèmes sérieux. Puis ce soir, je me suis dit, hey, Fluc, tu pourrais peut-être écrire un poème plus drôle. Puis je me demande, est-ce que ça vous tente de l'entendre? Oui! OK, ben, je vais vous le lire d'abord. Mais tu sais, ça aurait été un peu malaisant que vous faisiez comme « Non! » Puis là, je me retourne chez nous puis je pleure. C'est... ça... On recommence! Bon. OK, là, je vais vous avertir. Le poème que je vais vous réciter est un poème sur la peur et je l'ai intitulé « La peur ». Bon. Là, je sais ce que vous vous dites. Ce gars-là a l'étoffe d'écrire des tunes pour Marie-Mé. Mais posez-vous pas de questions, c'est de l'art. Allez. OK, le poème va comme suit. La peur, ça fait très peur. Surtout quand t'es au show de Philippe Bande en tant que spectateur. Engagé. TVA va m'appeler demain. Quand tu penses que c'est OK, ça fait toujours peur. C'est toujours surprenant des filles pas maquillées, surtout quand c'est ta sœur. Oh, je suis chaud. Ouais. Tu me présenteras. V'là 2 jours, j'ai mangé des pommes pour calmer mes nerfs. Hier soir, j'ai bu trop de rhum, fait que je me suis battu avec mon frigidaire. C'est absurde. L'école, c'est vraiment difficile lorsque t'as pas d'amis, mais c'est encore plus difficile quand ton best friend, c'est un biscuit. Présentement, j'ai peur parce que vous arrêtez pas de me regarder. C'est-tu parce que je suis beau comme un cœur ou parce que j'ai pété? Une joke de perte. Hey, oh, c'est bon. Je pense que vous avez compris le principe. J'ai plus besoin de jacasser. Je finirai pas sur un backflip, mais je vous souhaite une bonne soirée. Flip, mesdames et messieurs! Nous, robots de l'Alliance de surveillance des planètes en voie d'éveil en orbite terrestre. Nous écoutons tous Radio H2O. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien dans la salle? Est-ce que vous avez passé une belle soirée? Alright, hey, moi je l'ai passé une pas pire. Ben écoutez, étant donné que douteux.org est un organisme à but non lucratif, ben, maintenant, il faut amasser de l'argent pour que cette soirée ait lieu à chaque lundi de toutes les semaines de l'humanité depuis bientôt 10 ans. Et c'est pourquoi que nous vendons des objets. Ce qui est très important dans un format d'encan, ce qui est très amusant. On a ici Gabriel qui va récolter. Fait que si vous mettez des prix exorbitants, vous n'avez pas l'argent, ben attendez-vous à perdre vos dents, comme on dit. Et ici, j'ai mon ami Claude Meunier qui cherchait un job. Fait que j'ai dit, ah, oh, tu pourrais venir donner des trucs. Ça va bien, Claude? Hey, batin, mais oui, ça va bien. Ouais, t'es pas trop déçu d'avoir perdu ton show à Radio-Canada? Il est un petit peu déçu, mais on va trouver de quoi d'autre, là. Ouais, puis comment qu'il va, Serge Thériault? Il va mal. OK, ben, ça, c'est là, on va enchaîner. On va enchaîner avec le premier lot. Le premier lot qui est le jeu XXXX Station, un jeu érotique pour couple. Alors, si j'ai bien compris, la date a des cartes avec des positions sexuelles que tu piges et tu dois l'essayer. Fait que si tu pognes cette affaire-là, faut qu'elle te suce. Comme la madame qu'on a vue tantôt, là, qui mettait des fruits. Fait que, as-tu un petit commentaire à dire sur ce jeu-là? Ben, une fois, j'avais 15 ans, j'étais chez mon père. Puis, j'étais tout seul, j'ai fouillé dans les tiroirs et j'ai trouvé une copie du jeu. Fait que c'est un jeu rempli de nostalgie pour nous. Les enchères commencent à 2$ pour ce magnifique jeu. Qui dit mieux que 2$ dans la salle? 3$? Qui dit 3,50$? 4$ pour Chinook avec sa voix mélodieuse. Qui dit 5$? 5$? Non? OK, ben 4$ une fois. 5$ de monsieur là-bas qui m'a l'air très sympathique avec ses cheveux puis sa face puis tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah, on va se venir. Qui dit mieux que 5$? Qui dit 6$? 7$? 6$? 5$ une fois. 5$ deux fois. 5$ trois fois vendu au vieux cochon là-bas. Ah là là là là, ils vont passer une belle soirée. Alors, Claude, quel est le prochain lot? Alors ici, on a une planche à fromage. Et elle est effrayante. En fait, vous voyez, il y a une planche à fromage et il y a du fromage dedans. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais, il y a des petits couteaux là-dedans aussi. Des petits couteaux pour mettre des fromages qui puent comme ça. OK, non, il y a rien que moi qui l'a trouvé drôle, celle-là. Je vais arrêter de faire du name dropping. OK, alors, des fromages. S'il y a des amateurs de fromages dans la salle, cet objet est parfait pour vous. On commence ça à 3$. 3$, qui dit mieux que 3$? 3,25$? Non? 2$, est-ce quelqu'un qui dit 2$ dans la salle pour du fromage, des couteaux? Est-ce quelqu'un qui a un prix à nous donner? Aussi dérisoire soit-il. Ah non, non, donne pas. C'est pas de même que ça marche, Chinook, ici. OK, ben... gratis. Y a-t-il quelqu'un... Est-ce qu'on peut faire ça? On a-t-il le droit? On a le droit gratis. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner gratuit pour des fromages? Kevin, es-tu là, Kevin? Non, il est pas là. Qui a dit gratuit? Ben, Mathieu Boudreau vient de se mériter des fromages gratuits. Ben, un plat, un plateau. Il te restait qu'à acheter le fromage, mon champion. Est-ce que c'est une première dans les encans que c'est gratuit? Yes! Hey, ça rock. OK, prochain lot, on a des disques totalement incroyables, 33 tours, ça a l'air drôle. Ça sent drôle. Ça sent drôle aussi, t'as bien raison. Il y en a un qui est particulier. il y en a un qui est très particulier là-dedans. Il y a lui, là, il n'y a pas de disque dedans. Fait que si vous voulez faire croire à vos amis que vous avez Led Zeppelin 3, ben, pognez le lot. Il n'y a pas de disque, c'est pas grave. 1$ une fois. Qui dit mieux que 1$? Qui dit 2$? Qui dit 2$ ici pour le monsieur? Qui dit 3$? 2,50 pour monsieur là-bas. Qui? 3$ pour les cheveux. 3,25. It's a hot chicken. Qui? Il y a les excentriques, ça c'est bon. Ça monte ça au moins. Qui dit 4$? 4$. Qui dit 4$ pour Nana Mouskouri? Qui dit 5$? 5$. Faut monter ça un peu. Quatre une fois? 5$. Ce qui dit... OK, 5$ une fois? 5,50. Qui dit mieux que 5,50? 5,50 une fois? 5,50 deux fois? 5,50 trois fois pour le monsieur là-bas qui vient de se mériter un magnifique lot. Hein? Ça va très bien. Ça va très, très bien ce soir. Non, ça, faut pas vendre ça, Mathieu. On a la peinture. Là. Qui veut de la slotch verte Swamp de 2004? Original. Oh, on est passé dedans, toi et deux. Ben, écoute, on va passer à la peinture qui est là. Cette jolie peinture de cap et de croc, encore emballée dans du saran wrap. Comme ça sortait de la magasin. Sort du four, comme on dit. Alors, moi, je passe ça à 5. Montez plus haut. Faut le montrer aux gens. OK, on passe ça à 5. Combien la peinture? C'est moi qui décide. On passe ça à 5$. 5$ pour une peinture que tu peux mettre dans ta maison. Qui dit 5$? Ah boy, ça va bien. Ça va être ça, là, ça bide. On l'achète? Non, on n'achète pas ça, moi. Ben écoutez, ça va très bien. Qui dit 2$? OK. Ben écoute, on en reparlera. Écoute, on va enchaîner ça avec le reste de la soirée. Écoutez, c'était clairement pas un succès ce soir, malheureusement. Mais écoute, hein, on a essayé. On a fait une coupe de pièces. Y a des gens qui vont manger autre chose que du ballonné cette semaine. Je laisse le micro à Tommy qui va venir nous parler du prochain film. Hey, merci au Portelas Brother, mesdames, messieurs. J'allais oublier le Yuki. J'allais oublier la partie la plus importante parce que vu qu'on n'a pas vendu beaucoup, ben vous pouvez donner des dons à Caroline et à Yuki. Elle va se promener et vous aurez des dollars dans votre poche et vous mettrez là-dedans si tout va bien. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Elle est effrayante. Donc, je parle rapidement. Merci beaucoup à vous, hein, les Portalance Brothers, Gabriel. Et une petite main d'applaudissement pour le VJ de la soirée, Fred Fournier, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Très beau travail de recherche. On a vu du nouveau épeurant et du vieux classique pour ce qui est de nos soirées du lundi. Ce soir, on écoute quelque chose qui va vraiment contraster un petit peu avec ce qu'on présentait au début. Si la semaine passée, on a écouté Dollman, Tim Thomerson, qui était rendu un 6 pouces de haut avec un lance T-Bone, là. C'était bon en crise, ce film-là. Cette semaine, on est devant un objet culturel unique. Le long métrage a coûté 8 000$ et en a rapporté 80 000 cette année-là en France. Ce qui fait de ce film le plus gros succès commercial de cette année-là. Parce que ça a fait 10 fois son investissement initial. Bovine, ou la vraie vie des vaches, ne comporte aucun dialogue. Il y a des vaches, il y a un chant, et il y a l'interaction entre les deux. Ça va durer 1h10. Et si vous pensez que c'est plate à mourir... écoutez-en encore un 3 minutes, voir. Il y a des plans, c'est long pour les bonnes raisons. Je suis en amour avec le film qu'on va écouter présentement. Le gars qui l'a fait s'appelle Emmanuel Gras, en plus. Est-ce que j'aime ça comme nom de famille? Donc, c'est avec grand plaisir, moi qui est un grand amoureux des animaux de la ferme, que je vous invite à écouter avec nous l'excellent Bovine et la vraie vie des vaches.